C'est pas possible. Une cravate avec un bermuda. Et pourquoi pas un chapeau? Je trouve le type franchement ridicule. Ah non, je ne suis pas du tout de ton avis. Je le trouve très élégant et original, au contraire. Tu trouves? Mais et le sac? Tu as vu le sac? Il porte un sac de femme. C'est ridicule, il a l'air d'un clown avec ça. Oh! Oh! Mais regarde le mannequin qui arrive. Ah là, je trouve la robe très élégante. Et avec ses bottes, c'est vraiment magnifique. Oui, la robe, je l'aime beaucoup. Je la trouve belle moi aussi. Mais alors les bottes, moi je ne les aime pas. Ça va vraiment pas avec une robe comme ça. Enfin, la fille est belle, c'est sûr. Oui, pas mal.